Hey yo, y'a pas de galère, j'bicrame du shit même au pas de calais. Ce bâtard de Sarko, moi je veux le voir caner. Cesse tes sarcasmes, je suis un sale gars qui bouffe ta carcasse, ça part en hagla. Qui sert au mic, je lâche des lyrics insensés, je boule au sensé, j'arrache le beat comme un des 500. Sur freestyle, je lâche un 8, méchamment pour dédicacer tous mes babs, tout Carlouche et Shaoui. C'est du rap, mec, technique avec l'équipe, j'ai le flow, mes fils Ophélique et la foi comme Ophélie. T'as reconnu le fêlé qui laisse la foule à foler, fait les faces folles, mon pédo c'est l'essence, alors je fous le feu. La fin c'est les cris, Quizzy c'est le cri, foncez c'est mes crames, mais je kick le mic en style free. Mes fils au Quizzy, diable de Massy, passe-moi une massage, taille rouler mon fesse. Mais qu'on écoute ça, c'est trop sale pour tous les mecs dans le cul-de-sac. Ceux qui calculent pas le taf, qui vivent de rap et transac. Chez nous ça plaisante, ah, baise au premier rencard. Les putes se marrent, pour El Rocco est un tocard. Red tonton, j'ai flow qui fait bouger les tarmas qui fait pointer les tétons coco. Ah ça dans le karma, on vient d'en bas, on vit dans l'âme, on a tous pris l'alarme. J'ai trop d'emmerde, alors on mic ma gueule, moi j'ai tiré l'alarme. Je lâche un 8 et fuck ceux qui nous accusent après une cuite. Les garces, faut montrer leur cul. Si t'insultes dans les bails, ça va se finir mal. Même fronter sous piaf, j'ai du mal à être sociable. On sort des sous-sols, v'là les chiens, salon de guette. Tu vas pas sucer que de la glace. La crasse des parcs allemands, pauvre sonne. Les gens se font des crêtes, ils veulent nous apprendre le hip-hop. T'as voulu détrôner mes straps, t'arriveras pas, ça sert à rien. J'y pète, j'rentre dans le rap comme un as, pas dans un vagin. Ça sert à rien d'essayer de te payer nos têtes. J'ai trop de dettes, j'te baise et j'te fais payer l'hôtel. Si tu croyais encore en l'amour, j't'arrête. Elles sont toutes pesées dans les toilettes par deux ou trois mecs. J'y pète criminel, j'suis venu balancer Catherine. J'l'ai dit cicatrice, comme l'hôpital psychiatrie. Barricane, on sait que la terre est ronde. Ne crois pas que la guerre est rose. Comme on a les crocs dès l'école, nous on court après les lourds. Reste à la hauteur de l'alter ego. Les lèvres ont éclaté les mots. Mes rêves à gauche, vu que les rêves à la coco sont tous accro. Dans ce monde abuse, on trouve sûrement drôle. Plongé dans le noir, moi j'entends trop d'écho sur mon dos. Y'a trop de buts, on voit l'amour avec un pic à glace. Depuis la mort arrive en douce dans une pipe à crack. J'lâche des punchlines, mec dépêche-toi. J'arrive avec le produit de l'année pour tous les gueux là. Faut que j'parle des choses concrètes. Y'a trop de traits qui bavent et jettent des roses, mon frère. Tant pis, j'garde le cap, ça fera pas de moi une petite pédale. Oublie tes bails, quand la mort se pointe, ça pardonne pas. C'est les AK donc, ouvrant tes oreilles. On fait la différence et on vient pour tout prendre désormais.